Vous savez. Bon. Vous savez. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Attention, halte là, bon, halte là, bon, halte là, bon, bon, attention, halte là, halte là, bon, vous savez, bon, vous savez, bon, bon, vous savez, bon, bon, bon, bon, bon, nous sommes en train. Nous sommes en train de crever. Nous sommes en train de crever à cause de. Nous sommes en train de crever à cause de. Nous sommes en train de crever à cause de l'unité de gauche qui continue. Arrêtez de rêver. Attention. Et arrêtez de rêver.